que tu as commencé, j'aimerais juste ce petit mot, cette démarche, sachant quelle a été ta jeunesse pas évidente, c'est d'autant plus beau d'entendre ces mots de ta part, que tu as tellement avancé, progressé et réussi à formuler tout ceci, je trouve ça magnifique, magnifique. Et pourquoi tu dis que ma jeunesse n'a pas été évidente? Non, mais je me souviens qu'il y a eu... ouais, peut-être que je me trompe, mais que tu as quitté la maison assez jeune. T'as entendu ça sur mes podcasts? Oui, bien sûr. Ah, d'accord, tout à fait. J'ai quitté la maison très jeune. J'étais en trop, quoi, voilà. Et puis, bon, bah, après, tu sais, quitter sa maison très jeune, ça te force à t'émanciper. Ah, ça, c'est clair. Te force à prendre la vie à bras le corps et puis à pas te casser la gueule, quoi. Donc, pour moi, ça a été un. J'en ai fait un atout, si tu veux. Au départ, j'avais une frustration par rapport à mon frère, par rapport à ci, par rapport à ça. Mais le jour où, à 8 ans, j'ai demandé à mon père à partir en pension, là, j'ai franchi un pas, si tu veux. Mais tu vois, si petit, si jeune, que tu as passé par là, c'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout. Et j'ai admiration pour toi, Claude. Faut pas... Tu sais, Rodrigue, là, on parle... On est en tête-à-tête. Oui, je vois que... Philippe, il nous a quittés, il a plus de batterie. Alors, bon... Et c'est bien de... Je voulais un petit tête-à-tête avec toi, si tu as quelques minutes. Je te vois chercher, si tu veux. Je te vois en position de recherche. Et ça, c'est très bien. C'est très bien parce que tu acceptes ou tu vas commencer à accepter à te remettre en cause. Cette nécessité de se remettre en cause est absolument primordiale. Elle est primordiale parce que si tu ne te remets pas en cause, eh bien, tu n'avanceras pas. Ah, mais c'est clair. Tu n'avanceras pas. Et pour avancer, c'est à la fois très simple et très compliqué. J'ai comme une habitude de dire, je crois que je le dis ici, que pour avancer, il faut mettre un pied devant l'autre. Pour avancer, il faut qu'il y ait un moment de déséquilibre potentiel où tu n'es plus que sur un seul pied, en attendant que l'autre rejoigne le sol. Là, si j'étais à tes côtés et que je te veuille du mal, je te pousse un peu, tandis que tu avances, tu tombes. Eh bien, il faut accepter de respirer quand tu mets un pied devant l'autre. Il faut accepter de se retrouver dans un sentiment que les bouddhistes appellent l'équanimité. L'équanimité, tu devrais noter ce nom. Équanimité. Équanimité. Alors, l'équanimité, tu regarderas dans quelques sources, il faut qu'elles soient bien faites, mais l'équanimité, c'est un état dans lequel tu te retrouves en parfait équilibre de toi avec toi-même, de toi avec ton environnement, de toi avec Dieu, de toi avec tout ton être, mais tu es dans une démarche quasi cosmique. Ah, oui. Et là, tu respires, tu es bien, tu grandis, et tandis que tu grandis, est-ce que tu sais pourquoi le Bouddha est gros? Non. Eh bien, le Bouddha est gros parce que il s'est laissé envahir par Dieu. Si tu veux, il s'est rempli de divinité. Il n'appelle pas ça Dieu, il y a d'autres mots, mais c'est comme ça que nous, Européens, on peut comprendre. Il s'est laissé remplir par la sagesse. Il s'est laissé remplir par les divinités. Il s'est abandonné complètement, mais il a pris tout ça en lui et il a cultivé tout ça et cet état d'équanimité, eh bien c'est ça, cet état qui lui permet d'être dans une sagesse pure. Ah oui. Hein? En communion cosmique. Oui. Donc tu dépasses tout là, tous les emmerdements dont tu pouvais parler tout à l'heure, hein, tu les dépasses complètement. Tu sors de ta problématique, j'ai bien compris, tu avais un petit enjeu de sortir de ta problématique professionnelle. Bon, tu avais des engagements avec d'autres. Et ces engagements, eh bien... Tu les as tenus jusqu'au dernier moment, et ce dernier moment, tu proposes à d'autres de prendre le relais. Bien, ce transfert-là, c'est un transfert effectivement qui va te permettre de te libérer, de faire de la place en toi. Mais oui. C'est pas une place égoïste comme ça, c'est une place pour accueillir l'autre. Accueillir le divin. Tu vas grossir comme le Bouddha. C'est ça qui serait merveilleux. Bon, mais ça va venir, si tu veux. Mets-toi dans cet état-là, quoi. Si tu veux, la problématique, c'est pas de garder les yeux ouverts, c'est d'être. Oui. Être. Mais être dans la plénitude. Oui. Être dans... Oh, t'as un souci? Excuse-moi, voilà. C'est pas grave. Être dans la plénitude, être en communion permanente avec la nature qui t'environne, avec les humains qui t'environnent, avec Dieu. Il faut accueillir Dieu. Dieu, il doit pouvoir être en toi. Mais Claude, je ne te cache pas, je ne vais pas te cacher ma situation actuelle. Ça ne va pas du tout fort. Je me sens mal, et pas tellement à cause de mon métier à laquelle je mets fin, mais j'aspire un très grand désir de consacrer un maximum de temps à la fois à cette plénitude et tout cela. Mais j'ai autour de moi des éléments, des personnes qui m'en empêchent, comment dire. Et c'est dur, puisque je sais que, par exemple, j'ai passé des retraites, j'aime bien chez les trappistes, puisque là, on ne parle pas, il y a le silence, etc. Ce sont les meilleurs moments pour se concentrer, pour... Et ça, au fait, c'est quelque chose que je rechercherais bien dans la vie. J'étais tellement social de ma manière que, étrangement, j'ai presque envie, c'est terrible de le dire, mais de me retirer, mais de la vie des personnes, du social, pour me concentrer sur l'essentiel. Et ce que je trouve très difficile, que je sens que les choses, je les laisse filer entre mes mains, puisque il y a de moins en moins de choses qui m'intéressent, également les personnes. La rencontre avec toi et avec Philippe, il y a 2 ans comme ça, puisque je le connais depuis peu, hein, Philippe, et ce sont des moments extraordinaires qui mettent un très grand ombre à toute une série de contacts que j'ai, en plus avec mon épouse qui ne pense pas tout à fait la même chose que moi. Comment mettre fin à tout ce qui n'est pas essentiel, ça fait du mal, ça casse, Et c'est pour ça que je me sens pas du tout en pleine forme. Et en effet, j'ai une certitude, c'est cette plénitude et ce chemin. Mais mon rôle ici, comment gérer ça quotidiennement et dans un proche futur, j'ai la plus grande peine, plus grande peine. Mais enfin, pour Est-ce que tu voudrais que je t'aide? Pardon? Est-ce que tu voudrais que je t'aide? Ah, mais j'aimerais bien, puisque je sens chez toi cet équilibre magnifique et ces connaissances que tu as qui sont impressionnantes. Mais je suis au fond dans une très grande solitude ici, très grande. Je peux presque pas en parler avec ma femme. Je suis pas dans une Pourquoi? tasse. Pourquoi tu peux pas en parler? J'en parle des choses, mais il n'y a pas le même désir de la foi ou comment est-ce que je peux dire? C'est autre chose. Donc, avec deux de mes trois enfants. Je peux en parler, mais c'est sur le bout des pieds. Ça me fait du chagrin quelque part, puisque quelque part je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas parler? Avec qui est-ce que je peux parler? Ces petits moments comme aujourd'hui, ce sont des vrais beaux moments, ce sont des cadeaux. Ce que tu viens de raconter ici, c'est tellement. Tu te rends pas compte comme c'est beau et comme ça fait plaisir et que ça me donne confiance. Mais j'ai comment dire, beaucoup tiré de chariot, aussi avec des grandes responsabilités dans les entreprises. Et ce qu'il y a de contradictoire, c'est que je me détache ici de mes clients et que j'ai jamais eu de ma vie autant d'intérêt que maintenant par des clients pour continuer, qui veulent continuer avec moi. Mais c'est incroyable, les plus grands succès, maintenant, je les mets de côté et ça ne me dérange pas du tout, puisque ce n'est pas ça qui est essentiel. Mais c'est une période un peu, enfin, un peu beaucoup turbulente. Alors, je vais te dire quelque chose. Je te coupe un peu. Je vois l'heure qui tourne, on aura encore un petit peu de temps, hein, si tu le veux. Mais je vais te dire quelque chose que je trouve tout à fait intéressant. Je reviens à ta vie professionnelle. Tu viens de dire à l'instant, je ne me suis jamais aussi senti aussi bien avec mes clients. Mes clients se sont jamais aussi bien que maintenant sentis avec moi. C'est bien ça que tu viens de dire? Tout à fait, Ça veut oui. dire que tu es là à la quintessence et à la maîtrise de ton art. En communication, dans le domaine financier qui t'intéresse, dans le capital confiance, etc. Bon, tu es au summum là. Bon. Et tu as le courage de dire, bon ben voilà, maintenant j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de me trouver et de me mettre dans un sentiment de plénitude, de tranquillité Tout à pour fait. aller à la recherche de Dieu. Hein? C'est bien ça, j'ai résumé? Même si je le dis à quasiment personne, puisque beaucoup de gens ne comprennent pas, le monde est devenu tellement profane, tu le sais. Mais bon, c'est pas grave, je suis mon propre chemin. Tu vois ce que je veux dire? Oui, et l'important, c'est que tu aies pris cette décision. Oui. L'important, c'est que tu sois le maître de toi-même, que tu te gouvernes toi-même au milieu de tout cet environnement. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Mais effectivement, ça t'amène dans des situations un peu turbulentes. Oui, délicat, C'est compliqué, c'est compliqué. Mais oui. ce qui me gênerait le plus, je peux te parler là, on est seul en ce moment? Je viens de fermer la porte. Ah, d'accord, ok. C'est. Il faut me semble-t-il, que tu trouves avec ta femme un terrain d'entente au quotidien. Ce que tu disais tout à l'heure, en peu de mots, parce que tu me l'as dépeint très rapidement, je peux te dire que j'ai la même à la maison. Et je peux te dire aussi que dès que je commence à monter un petit peu en température vers les sujets qui nous intéressent, oui, ben, ça ne marche pas. Bon, oui. Ça ne marche pas. Donc, pour ma part, j'ai trouvé des terrains d'entente qu'avait l'autre. Oui. Michaela, bon, elle, qu'est-ce qu'elle entend ? C'est la cuisine. Encore la cuisine, et toujours la cuisine. Elle en a fait un bel objectif, parce qu'elle se donne à fond, quoi, si tu veux, là-dedans. Bon, je schématise, hein, on pourrait apporter des tas de nuances, mais bon, c'est son objectif. Eh bien, moi-même, eh bien, je suis rentré en communion avec elle pour apprendre à déguster, pour apprendre à reconnaître si, à voir ça, à aller, etc., etc. Il est important de trouver un terrain d'entente avec l'autre qui soit apaisant. Oui. Tu as besoin de paix, tu as besoin de tranquillité. Et bon, et c'est pas toujours facile à l'autre, eh bien, d'accepter que tu te retires dans des quêtes vers le merveilleux ou vers le divin ou vers voilà. Donc tout ça, ça s'apprend. Tout ça, ça s'apprend à prendre l'autre et on est dans le dernier parcours de notre vie. Voilà, on a eu notre vie personnelle, notre vie professionnelle. Et maintenant, eh bien, on renouvelle à nouveau le personnel et de savoir comment on va grandir et on va grandir à deux. Bon. Et oui. Tu rentres dans une problématique, et plus j'y pense, c'est que la problématique de certains qui ont du mal à prendre leur retraite parce que certains ont peur de s'ennuyer, certains ont peur de mal faire à la maison, etc., etc. Faut que tu trouves ton champ. Il faut que tu trouves et que tu te mettes en symbiose avec ton épouse et que là règne vraiment un champ apaisant, un terrain dans lequel vous vous complaisez tous les deux, vous soyez bien tous les deux, être bien à deux. C'est compliqué. Entièrement raison. Oui. C'est compliqué. Mais si tu le veux, on peut ensemble travailler le sujet. Parce que moi aussi, tu sais, j'ai... ça paraît tout beau, tout rose, mais ce n'est pas toujours très, très simple. Et quand tu rentreras un petit peu plus dans mon intimité, eh bien, tu apercevras que la vie... est assez compliqué pour moi aussi. Mais tu veux, on a un train dans lequel il faut monter, quoi. Des mots très sages, très, très, très bien, très justes. Mais c'est clair que ce serait tout mon souhait de faire ça. Mais maintenant que tout vient un peu à la fois, c'est un peu la crise, je te cache pas. Oui, c'est la crise. Non, mais et puis c'est pas simple. La vie aujourd'hui est bien plus compliquée qu'avant. Mais notre métier à nous, c'est de nous adapter. Oui. Il faut s'adapter au quotidien, il faut s'adapter aux autres, comprendre les autres, aider les autres. C'est dans l'aide aux autres que le plus souvent... les choses se passent, et derrière, on... T'as tout fait raison. Ouais. Alors, entièrement. que je te propose, est-ce que ça t'intéresserait qu'on échange un petit peu, comme on est en train de le faire, mais en dehors Oui. de tout podcast ou autre? Je peux enregistrer si tu veux, parce que c'est bien après de se réécouter, mais ce serait notre truc à nous, quoi, à nous deux. Et puis, je pense que je peux t'aider, et puis, je pense que toi aussi, tu peux m'aider. Tu vois, c'est un échange, mais s'il n'y a pas d'échange, on est foutu, quoi. Et c'est cet échange-là que je rechercherais. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on se cherche une date pour échanger? Toujours sur Skype, hein, comme on fait là maintenant. C'est bien. Excellente idée. Mais t'es chic, puisque tu as peu de temps, tu as beaucoup d'activités Oui, mais et ça me fait du bien, moi aussi. je ne veux pas te déranger inutilement, mais j'apprécie beaucoup, même si je suis plutôt introverti. Mais ici, la crise est extrême, tu vois ce que je dis? Il y a des Oui, moments oui. où vraiment je radicalement changé de vie. Oui. C'est difficile d'entrer dans un monastère, c'est juste pas concevable vis-à-vis de sa femme et de ses enfants. Non, mais il faut pas. Mais il faut pas. Parce que ta mission, à toi, elle est au-delà de tout ça. C'est Oui. de maîtriser cette situation pour épouser cette situation, la faire tienne, la maîtriser et gouverner ta vie, gouverner votre vie en harmonie. Oui. Hein? On va Ça, essayer. c'est pour moi mon idéal, c'était de nouveau ces moments à 4 h du matin dans le dernier monastère où j'étais, les Trappistes, c'était dans le nord de l'Italie, quelque part, loin de tout. Avec l'idée qu'à 4 h du matin, on n'est pas trop fatigué, on n'a pas faim, il n'y a aucun bruit, on peut concentrer toutes ses idées, toutes ses pensées à l'essentiel. Et je trouve ça tellement beau, tellement formidable, qu'il n'y a pas ces idées, ah, mais demain je dois aller là, après-demain je dois encore réparer cette barrière, ensuite je dois faire un voyage pour décliner. Il y a ce nettoyage, ce silence de la nuit est tellement, disons, ça permet de penser vraiment à 100% à l'essentiel et pas à 90% ou à 80%, n'est-ce pas? Mais ça va complètement au contraire à ce que tu vas me dire, puisque on est avec les deux pieds dans la vie, n'est-ce pas? On a une épouse, on a des enfants, mais parfois il y a des petits moments de schizophrénie, si j'ose dire. Si je... Ouais, mais bon, il faut. Mais c'est comme ça, Tu c'est comme es ça. quelqu'un de très sensible. Rodrigue, que tu es quelqu'un de très sensible. Parfois, Et parfois trop, peut-être, oui. voilà, il faut essayer de cultiver un petit peu ce cheminement. Alors, ce que je te propose, quand est-ce qu'on pourrait se retrouver, dis-moi. Qu'est-ce qu'on peut se dire? Je regarde vite ici mon agenda. Je dis n'importe quoi, lundi par exemple, un tout petit moment lundi, ou Oh, mardi. alors, lundi, on est le 29. Alors, attends, faut que Mais. Attends. Lundi, qu'est-ce qu'il y a? Attends, ah, oui, on va être au mois de juin. Au mois de mai? Non, on est au mois de mai. Oui, mois de mai, oui. Lundi, on est le 3. Mais le 3, oui. Le 3 ou Dis-le. le 3 Ah, ou le 4, lequel tu préfères? Ouais, pour moi, c'est l'après-midi. L'après-midi vers 16h. excellente idée. Le Hein? 4. Donc, on note le 4, 16h. Tu t'appelles sur Skype. Hein? D'accord. Alors, attends, je note ça parce que quelquefois je me trompe. Hein? 16h. 4 mai à 16 h. Oui, ça te va? Ça va parfaitement bien. Et comme ça, on prendra le thé ensemble. Non, mais c'est important. C'est important. Bon, alors, et on sera sur Skype, hein, d'accord ? C'est moi qui t'appelle, hein ? Voilà, alors, qu'est-ce que tu aimerais... de quoi tu aimerais parler ? En un mot, comment puis-je t'aider ? Qu'est-ce que tu aimerais de moi ? Tout d'abord, j'aimerais que tu me promets que si tu as quelque chose, quoi que ce soit, tu me lances un petit message et oui, je suis flexible. Il n'y a aucun souci. Tu as vu, je vous ai dit, là j'avais un rendez-vous à 16h en ville. Bon, je pouvais... Voilà, bon, j'ai décalé, etc. Mais non, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. J'ai du temps disponible en ce moment. J'ai du temps disponible et puis je veux me rendre disponible aux autres et à toi. Oh, mais comme t'es chic. Comment puis-je t'aider? Je suis en train de faire... C'est très cru ce que je vais te dire. Vas-y. De ma vie. Et j'aimerais me retirer. C'est horrible de le dire, me préparer à mon départ... tout en le brusquant le moins possible tout le monde. C'est très lourd ce que je te dis. Quand tu parles de toi, je veux bien te comprendre. Tu veux apprendre à mourir? J'aimerais... j'ai eu dans ma carrière, dans ces 10-20 dernières années, tellement de coups de tout genre... mais aussi des vraies méchancetés, des pièges, des moments tellement difficiles que j'ai une très grande fatigue. Et maintenant que j'arrête, je vois qu'il me reste quasiment plus d'énergie pour me relancer dans des alternatives. Et alors, j'aimerais me préparer. Comment dire ? C'est horrible de le dire, c'est la première fois que je le dis à haute voix puisque je n'en parle à personne. Memento mori, j'aimerais retrouver, comment dire, un équilibre pour que le moment où ça arrive, puisque je ne vais pas faire ça d'une façon proactive, je ne suis pas du style exit ou les trucs à la mode de ce genre, mais c'est de le faire le mieux possible vis-à-vis de Dieu. Tu vois, d'accord. Ce sont des questions possibles. D'accord. Mais tu vois, c'est la grande crise. Je me sens vraiment très mal. Et il n'y a plus rien, presque plus rien qui m'intéresse, que ce soit... une sortie, un film où il y a une très grande fatigue et tristesse. Mais je n'ai pas encore l'âge de m'en aller, mais je dois me remettre de cette fatigue. Et la solitude, le silence m'aide le plus maintenant. Tout ce côté social et tout ce qui va autour, de plus en plus ça me fatigue et C'est comme si ça se retourne contre moi. Le succès que j'ai ici aussi au niveau professionnel ou que ce soit au niveau de la famille, je suis en train de devenir complètement schizophrène puisque je ne veux plus rien de tout ça, sauf quelques personnes clés pour les contacts clés. Tu vois, la crise emmène que j'ai envie de me détacher de toute une série de personnes avec qui j'ai des bonnes relations telles quelles, mais où je n'ai plus l'énergie ou l'envie de les parler. Donc, je ne veux pas dire radical, mais j'en ai assez. J'en peux plus. D'accord. Alors. Pauvre très psychologue, je me pose la question, pourquoi? Qu'est-ce qui t'a amené de ne pas faire la psychologie, puisque aussi durant les discussions, tu gères ça tellement bien. mais tu as une très grande lucidité. Je te dis, raconte cette situation en toute confidentialité, Philippe n'en sait rien, et en toute franchise. Et ça va mal, je tourne en rond, j'ai des moments très difficiles, mais je ne sais pas, maintenant on dirait c'est peut-être la dépression, hein, j'en sais rien. C'est ta dépression. C'est ta dépression post-natale. Post-natale ? Oui, ben oui, parce que tu veux renaître à autre chose. Ah oui. Et tu veux renaître à autre chose, tu quittes ta vie professionnelle et y a peut-être une petite peur du vide, du vide à deux, du vide seul. Et bon, alors. Et tu vois, est-ce que ça. Moi, je ne veux plus revoir certaines personnes, puisque je sens presque que ça a un effet toxique sur moi. D'accord. Des viols. Enfin. Bon, alors, écoute-moi. On verra. Pardon ? On verra mardi, si tu veux. Oui, mais j'aimerais que dans l'intervalle, tu me mettes un petit mot en me disant « j'aimerais parler de ci ou de ça ». Un ou deux thèmes, pas plus. Comme ça, moi, je me prépare, parce que j'ai pas... je me prépare et on échange là-dessus. Ok ? D'accord. Alors, avant qu'on raccroche, je m'aperçois que mon micro, il tourne toujours. Bon, alors, donc, je vais t'amener, si tu en es d'accord, à découper cette partie de la conversation. Ah oui, alors très volontiers. Hein, oui, oui. Parce que je ne pense pas qu'elle ait lieu d'aller sur notre podcast. Hein. Je la découpe. Et puis, je la mets dans un coin et puis on reparle un petit peu de tout ça. Hein ? C'est vraiment chic. Si on peut faire ça, très volontiers. Oui, oui, mais on va faire ça. On va faire ça. Hein ? En tout cas, Rodrigue, un grand merci pour ta confiance. Et je te remercie à toi pour ton amitié, pour oui. ta... Ben oui, mais c'est bien. Tu vas voir. On va essayer de te permettre de voir un petit peu le monde un petit peu différemment. Hein? Et ça va te faire du bien. Tu vas voir. Hein? C'est vraiment sympa. Allez. Merci, je te souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à toi. Bonne soirée. Allez, salut. Et à lundi. Au revoir, Claude. À lundi, 16h. Ciao. Ciao. T'as pas raccroché.